Vous écoutez l'émission de Marie-Claire Tellier. Actualité internationale, un nouveau regard sur Radio Impact. Aujourd'hui, je vais vous lire un article de Stephanie Sledge. Stephanie Sledge est une journaliste d'investigation et rédactrice en chef pour The Government Rag Educational Alternative News. Cet article a été écrit le 30 mars 2020. Rubicon américain, République RIP. Rubicon, ça veut dire, c'est une expression qui date d'avant Jésus-Christ. Rubicon est une rivière qui sépare la Gaule et l'Italie. Pompée a ordonné que toute armée laisse ses armes avant d'entrer dans Rome. Cependant, Jules César désobéit et prend le risque de franchir cette rivière avec son armée. Excusez. Le monde a changé. De façon permanente, a-t-il déclaré. La Fed tente d'empêcher cette refixation d'aller plus loin. Ils ont essentiellement annoncé de nationaliser les marchés. Le coronavirus, pandémique, a été la grande finale des anciens. Nous sommes arrivés au terme d'une longue lutte entre les idées d'autonomie gouvernementale et de collectivisme, de dogmatisme religieux et de totalitarisme. Alors que la grande idée de l'Amérique a été supprimée et que le gouvernement constitutionnel a abandonné le fascisme financier, presque personne ne l'a remarqué et la plupart ont même prêté main forte. En restant à la maison, en auto-quarantaine. Après tout, le gouvernement était juste préoccupé par leur santé. La volonté des Américains de se retirer et d'appliquer la loi martiale en place sans précédent dans l'histoire américaine. Excusez, j'ai la gorge enrouée, je ne sais pas pourquoi. Signale clairement aux pillards et aux communistes et aux pervers et aux psychopathes qui volent les États-Unis depuis plus de 100 ans. Sans aucune compréhension de l'économie et du système financier, les zombies américains croient que le blocage de l'économie pendant des semaines et peut-être des mois peut être toléré par un système financier déjà en plein effondrement et que cela ne peut être fait sans frais pour eux. De plus, l'art de diriger des masses et des individus au moyen d'une théorie et d'un verbiage habilement manipulés par des règles de vie en commun et toutes sortes d'autres caprices, dans tout ce que les goyim ne comprennent rien, appartient également aux spécialistes de notre cerveau administratif. Élevé à l'analyse, à l'observation et aux délices du calcul fin, dans cette espèce de savoir-faire, nous n'avons pas de rivaux. Nous n'avons pas de rivaux, oui, c'est ça. Pas plus que nous n'avons dans l'élaboration des plans d'action politique et de solidarité. Joué comme un violon par l'administration Trump, soutenu par l'opération psychologique QAnon, les Américains se plaignent à peine. La Réserve fédérale, un cartel bancaire privé international géré par les sionistes, nationalise les marchés et l'économie en temps réel. La dette des entreprises et du gouvernement et des municipalités, de la bourse, via le Fonds de stabilisation d'échange, sont toutes achetées en masse. La Fed achète un nombre illimité de titres adossés à des créances hypothécaires tout en fournissant des milliards de dollars pour les achats d'actifs repo market du jour au lendemain. Selon le commerçant et analyste financier Greg Manario, jusqu'à 6 billions de dollars sont inventés par jour et pour maintenir ce coup d'État en cours. Il ne reste plus grand-chose du secteur privé. L'économie a été nationalisée ou fermée. Les pertes d'échecs d'opérations criminelles sont en cours de socialisation et nous payons toutes les pertes, comme d'habitude, comme dans Lemon Socialisme. Lemon Socialisme, en parenthèse, ça vient de Wikipédia. Lemon Socialisme, ça veut dire le socialisme citronné, est un terme péjoratif pour une forme d'intervention gouvernementale dans laquelle les subventions publiques vont aux entreprises faibles ou défaillantes, avec pour résultat effectif que le gouvernement absorbe une partie ou la totalité des pertes du bénéficiaire. Ça vient de Wikipédia. Je continue mon article. Auteure et avocate et fondatrice de l'Institut des banques publiques, Ellen Brown a appelé le plan de sauvetage de 2008 le plus grand transfert de richesses de l'histoire. Je suis sûre qu'elle aurait du mal à trouver les bons mots pour définir la casse actuelle en cours. Les banques de l'arnaque de sauvetage de 2008 ont été récompensées par au moins 4 500 milliards de dollars pour avoir fait faillite après avoir utilisé les ressources des clients pour les jeux de hasard, de blanchiment d'argent, l'argent investi contre leurs propres fonds. Les PDG obscurément surpayés, etc. Après la recharge, les mêmes banques criminelles et fonds d'investissement ont de nouveau fait faillite. La matrice a été jetée. Le Rubicon américain a été franchi et le gouvernement constitutionnel a été libéré. Prendre forme est un nouveau type de fascisme alimenté par un accès illimité à la recherche épuisante des Américains, des trillions de dollars illimités imprimés à partir de rien à l'intérêt sont pulvérisés comme un tuyau d'incendie dans tout ce qui est convenable, sauf bien sûr le peuple américain qui, s'il se qualifie, pourrait obtenir 1 200 $. La Réserve fédérale envoie également de l'argent dans le monde entier pour éviter un effondrement des prix des bons du Trésor. Les petites entreprises qui ont besoin d'un plan de sauvetage peuvent s'inscrire pour un prêt à faible taux d'intérêt. Des preuves de l'effondrement des marchés financiers américains commencent à apparaître en septembre lorsque la Fed a commencé à financer le soi-disant repo market avec des milliards de dollars par semaine. En octobre, la Fed a commencé à acheter chaque mois 60 milliards de dollars de bons du Trésor. Je parle de l'effondrement financier à venir depuis des années. Rien ne pourrait être fait avec le système actuel, sauf pour le laisser s'effondrer et se reconstruire avec des efforts du secteur privé et le gouvernement constitutionnel pour défendre et protéger les citoyens contre les banques corrompues et les opérations des entreprises qui tentent de socialiser les pertes en drainant la richesse américaine et en dévaluant le dollar pour un renflouement. Andrew Jackson pleure quelque part. La tyrannie médicale émerge. Avec l'utilisation d'un système médical armé, la peur de la propagande soutenue par les films et les médias, et un public crédule, une nouvelle pandémie a été créée et préparée pour être déployée en janvier 2020, juste à temps pour couvrir le système financier défaillant. La pandémie est vraiment définie comme le mot « nouvellement créé » plandémique. Il existe des preuves substantielles de la planification préalable de l'épidémie de coronavirus. Cette pandémie a été promue avec des décennies de films pré-programmés. Des Américains, La planification préalable de l'épidémie du coronavirus. Cette pandémie a été promue avec des décennies de films préprogrammés des Américains pour ce que l'on a promu avec des décennies de films. Quelques exemples de films. Outbreak, 1995, un film sur une erreur médicale qui mène à une pandémie. Deuxième film, La grippe, 2013. Troisième, Panique dans les rues, 1950. Suivant, Contagion, 2011. La tentative de pandémie à gros budget fait peur à Matt Damon. Beaucoup, beaucoup d'autres films ont été tournés dans une pandémie qui tue tout ce que le monde ou une maladie contagieuse qui transforme les gens en zombies. Les Américains sont bien formés pour jouer leur rôle d'acteurs de crise depuis des décennies. Coronavirus, la pandémie de coronavirus met en évidence une grande planification préalable qui a été effectuée à la vue de tous avant l'heure du spectacle en décembre 2019. Certaines indications sont les suivantes. The Unparalleled Invasion de 1910, Jack London, une nouvelle sur la Chine détruite par une pandémie d'origine humaine. The Eyes of Darkness, 1981, de Dean Koontz, roman sur une arme biologique créée dans un laboratoire d'armes biologiques à Wuhan, en Chine, appelée Wuhan-400, l'arme biologique parfaite. 400 se trouve à être 20 x 20 ou 20 000 20. Scénario pour l'avenir de la technologie et du développement international, un scénario appelé Lockstep, 2010. Le scénario Lockstep décrit un monde de contrôle gouvernemental descendant plus strict et de leadership plus autoritaire avec une innovation limitée et un pushback citoyen croissant en 2012, c'est-à-dire 2 ans après la publication du rapport. Extrêmement virulente et mortelle, souche de grippe provenant d'oies sauvages, mais le monde à genoux, infectant 20% de la population mondiale et tuant 8 millions de personnes en seulement 7 mois. La majorité d'entre eux sont des jeunes adultes en bonne santé. Ils dévastent des économies mondiales, ils auront le commerce international, mais tout le monde, la Fondation Rockefeller le précise, n'est pas touché de la même manière. GlobalResearch.ca a aussi une vidéo intéressante sur Lockstep. Ensuite, événement 2001, la simulation de la pandémie organisée par l'Université Johns Hopkins en collaboration avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates. L'événement 201 a été lancé en octobre 2019, quelques semaines avant le lancement à Wuhan en Chine. De toute évidence, la pandémie de Wuhan a été planifiée bien à l'avance, tout comme la planification de l'attaque israélienne contre le World Trade Center, en 2001 a commencé au milieu des années 70. Même si en dehors de la portée de cet article, il est intéressant de noter que Wuhan est également devenue la première ville à déployer complètement et à activer son dangereux réseau cellulaire 5G juste avant cette épidémie. Utilisation de la loi martiale médicale inconstitutionnelle soutenue par un déploiement répété et préplanifié des prédictions de contagion du virus, maintenant appelée une erreur par l'architecte en chef des prédictions de perte de vie, Neil Ferguson. Et la promotion à grande échelle du taux de mortalité présumé des coronavirus par les médias de propagande capturés. Un précédent a été établi pour les pandémies manufacturées. Il n'est pas surprenant que les Américains ne comprennent pas vraiment ce que sont les virus et la plupart des pandémies ne soient pas probablement causées par des virus, ce qui est susceptible de suivre cette auto-quarantaine, prépunition pour ne pas prendre un vaccin non encore inventé, sera des aiguilles empoisonnées pour une réduction plus rapide de la population, alias les vaccins. C'était la tempête parfaite sur laquelle Trump a mis en garde et il a joué son rôle, distançant d'abord, puis embarrassant pleinement le théâtre à son meilleur. Aujourd'hui, Trump fait l'éloge de la réserve fédérale, affirmant que nous avons besoin de plus de stimulants, disant aux gens de se concentrer sur le virus et non sur les banquiers centraux pillant les États-Unis. Toutes les principales banques, où la criminalité JP Morgan, Wells Fargo et même Deutsche Bank ne seront jamais autorisées à échouer avec eux, les rats qui ont mangé sur le cadavre lent en train de mourir du système financier des décennies. Les sociétés de copinage, cependant, prospèrent toujours dans les situations les plus improbables. Au cours de la récente baisse de 30 % des cours boursiers, l'action de Boeing a presque doublé, en hausse. En même temps que Boeing demande au gouvernement 60 milliards de dollars en renflouement pour maintenir ses 2,4 millions d'employés en activité, l'économie de marché libre ne peut expliquer comment le stock de Boeing double du 17 mars au 26 mars 2020 et comment cette société avec une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars fait la queue pour un renflouement de 60 milliards. Trump, fidèle à l'entreprise, à l'empire bancaire sioniste qu'il sert, réprimande et puis crée un mensonge calomnié pour calomnier le représentant Thomas Massie pour avoir remis en question la constitutionnalité de la façon dont le projet de loi de relance entraînant un transfert massif de richesses vers les banques et les entreprises au lieu d'aider le peuple, a été adopté par le Congrès. Trump réplique avec un commentaire totalement ridicule, disant que Massie devrait être expulsé du Congrès, puis l'accusant à tort de soutenir des démocrates. Corporatisme style asiatique. Alors que les sociétés américaines font la queue pour leurs documents, la Fed achète également des actions des sociétés. Les deux s'accompagnent d'une perte d'indépendance de l'entreprise avec de nouvelles stipulations exigées car la propriété est échangée contre un renflouement. Cette intervention sur le marché créera une nouvelle relation entre les sociétés et le gouvernement. Le modèle actuel d'un tel système de gouvernement est le corporatisme de longue date, que l'on trouve dans les pays asiatiques, par exemple au Japon. Selon Bloomberg, en 2016, la Banque du Japon détenait 60 % des Exchange Trade Fund sur Nikkei et était le principal actionnaire de 50 sociétés parmi les 5 premiers actionnaires de 81 sociétés. Cela fait passer la distinction entre le gouvernement et les principales Société de l'économie japonaise au blanc. Nouvelle Amérique, nouvel argent. N'oubliez pas que le coronavirus peut être transmis sur du papier monnaie. Le coronavirus appellera également à la fin du papier monnaie, l'achat de tous les actifs disponibles avec la coopération du peuple américain détruira enfin définitivement le pouvoir d'achat du dollar américain. Donc, quelque part au cours des 6 à 12 prochains mois, un nouveau dollar sera introduit, probablement une crypto-monnaie, comme on l'appellera, qui mettra fin à l'anonymat des espèces et inaugurera une nouvelle ère de transactions monétaires, surveillance totale du peuple. Prenez vos vaccins, payez vos primes d'assurance, payez vos pensions alimentaires pour l'enfant et payez vos impôts, et vous, sinon vous ne pourrez plus voyager, accéder à vos comptes bancaires ou participer à la vie. Le système chinois de crédit social, l'enfer sur la terre, se forme maintenant en Amérique. La nouvelle devise sera le script d'entreprise ultime, les Américains étant obligés d'acheter tous leurs besoins dans le magasin entre guillemets, entreprise. Ne laissez jamais une bonne crise se perdre. La technocratie dans laquelle nous vivons est maintenant trop compliquée à gérer pour les gens ordinaires, de sorte que de nombreuses personnes deviennent inemployables. Et aujourd'hui, la Fed a annoncé que les demandes de chômage dépassaient les 3,5 millions pour la semaine. Le plus grand nombre de demandes en une semaine. Mais attendez, voici un autre flash. Les chiffres du chômage publiés depuis plus de 10 ans ont été truqués. Selon John Williams sur le shadowstat.com, les méthodes de comptage des statistiques du chômage ont été modifiées pour soutenir des chiffres d'emploi politiquement corrects. En utilisant des méthodes précédentes du gouvernement pour calculer le chômage, shadowstat.com montre que le chômage réel dépasse 20% depuis 2009 et dépasse actuellement 23%. Ce ne sont pas seulement les chiffres de l'emploi qui sont truqués non plus. Vous pouvez également ajouter les cours des actions, l'or et l'argent et les autres prix des métaux précieux, les chiffres de l'inflation, la masse monétaire, le PIB, etc. Les indicateurs de marché sont passés de refléter la réalité à soutenir une réalité politique. Bien sûr, cela n'est pas durable. La vraie douleur du coup d'État non violent serait la violence de la famine et l'effondrement de la société lorsque les nouveaux révolutionnaires de style bolchevique passeront des loups en grand-mère aux animaux avec des dents. Lénine, Staline, Trotsky. L'ancien serviteur sioniste et criminel Bill Barr, pensez à l'Iran-Contra, à l'Irak Gate et aux dissimulations de la présidence de George H.W. Bush, demande maintenant des pouvoirs d'urgence, mettant fin à l'habeas corpus détention indéfinie que le gouvernement de type tiers-monde habituel des trucs. Ces pouvoirs sont absolus et horribles, et pire encore, parce que le gouvernement américain opère dans un état d'urgence depuis le 11 septembre, il est peu probable qu'il soit annulé ou rendu. Le président se voit attribuer ses pouvoirs d'urgence à titre temporaire jusqu'à ce que le Congrès ait le temps d'agir. Cela étire la crédibilité de penser que le Congrès n'a pas eu le temps d'agir depuis le 11 septembre, a déclaré Elisabeth Guttein, co-directrice du programme Liberté et Sécurité nationale du Brennan Center for Justice. Nous ne devrions pas traiter le 11 septembre comme une urgence en 2017, ça a été écrit dans USA Today. Le Royaume-Uni a déjà acquis des pouvoirs d'urgence et les gouvernements polonais et norvégiens et d'autres cherchent ce pouvoir après l'invention du canular contre les coronavirus. On a demandé au secrétaire d'État, Mike Pompeo, s'il était d'accord avec Mick Mulvaney que le coronavirus est le canular du jour et Pompeo a refusé de répondre à la question. Épitaphe. L'Amérique telle que nous la connaissons a été arrêtée en mars 2020. Maintenant, bienvenue à une nouvelle Amérique où bientôt nous verrons l'abandon des mensonges de signalisation virtuelle. C'est pour votre sécurité. à remplacer par la froide réalité des camps de quarantaine pour de fausses pandémies, des vaccinations forcées avec des aiguilles empoisonnées et des incarcérations indéfinies pour ceux qui ne sont pas socialement aptes à faire partie de cette civilisation droguée et abrutie. Alors que l'acteur politique Trump et ses gestionnaires sionistes choisissent ce qui appartient aux Américains, comme les vautours lors des récents assassinats, ceux d'entre nous qui jouissaient de la liberté de voyager, de la vie privée, de la liberté médicale, de la régularité de la procédure et des procès rapides, comme Andrew Jackson, il suffit de pleurer. Pendant ce temps, plus de 11 400 gardes nationaux ont été mobilisés pour maintenir ce drame pandémique et craignent d'être au centre de l'attention lors de ce retrait économique prévu. C'est le jour où les Américains ont abandonné la liberté pour une émission de télé-réalité de 1 200 $ par assiette et un autre mois d'assignation à résidence, se terminant par des applaudissements tonitruants parce que le gouvernement nous a sauvés du terrible coronavirus. Entre parenthèses, rhume. La moquerie à son meilleur. Tout ce qui reste est la collecte des États-Unis en quelque sorte, en quelque chose comme une union nord-américaine et à l'émergence de fanatiques religieux qui annoncent qu'ils reconstruisent un troisième temple à Jérusalem et prétendent que leur Dieu ordonne qu'ils gouvernent le monde. Cherchez cela en vous les 5 prochaines années. R.I.P.U.S.A. Mon article suivant. Le ciel vous tombe-t-il vraiment? A été écrit par Arthur Furstenberg, auteur du livre The Invisible Rainbow, A History of Electricity and Life. Au moment où j'écris ceci, le monde, ou une très grande partie de celui-ci, est effectivement soumis à la loi martiale. Pour se protéger contre un projet d'ennemi nommé coronavirus, COVID-19, les écoles ont été fermées, les vols et les compagnies aériennes supprimées, les théâtres et les restaurants fermés, les églises fermées, les couvre-feux mis en place, les rassemblements publics interdits, les frontières nationales fermées. Les gens ont dit de ne pas toucher ou de ne pas vous approcher les uns les autres. Chaque surface, bouton de porte et main humaine étouffée par un désinfectant toxique, et la population a reçu l'ordre de s'abriter sur place dans leur maison. Et le peuple, des États-Unis à la Norvège, en passant par la Bolivie, l'Australie, l'Égypte, l'Indonésie, a obéi non seulement sans beaucoup de protestations, mais avec enthousiasme. Ma boîte de réception et ma messagerie vocale sont inondées d'informations contradictoires dont peu sont vérifiables, mais qui n'ont aucun sens, adaptées au point de vue scientifique et politique préféré. Personne ne regarde la situation dans son ensemble. Personne ne remarque les taux de mortalité. Toutes causes confondues sont en baisse et pas en hausse dans la plupart des pays. Qu'est-ce qui a causé la grippe espagnole en 1918? Ce n'est pas la première fois qu'une peur d'une pandémie virale envahit le monde. Nous avons déjà entendu des prédictions dont aucune ne s'est réalisée, selon lesquelles la grippe porcine, la grippe aviaire, le SRAS, le MERS, le virus du Nil occidental, le virus Zika et Ebola allaient tuer des millions de personnes. Notamment, toutes ces peurs sont survenues après que l'Internet ait remplacé le contact humain comme moyen de communication prédominant et que les mots et les images sur un écran ont remplacé la réalité. Aujourd'hui, cela est allé si loin que les gens sont finalement prêts à fermer le monde plutôt que de remarquer ce qui se passe autour d'eux. Je ne prétends pas qu'il n'y a aucune base pour ces prédictions. Derrière toute l'hystérie, il y a la crainte que la catastrophe qui fut la grippe espagnole de 1918-1921 ne se répète. Après tout, la grippe de 1918 a rendu malade un tiers de la population mondiale et a tué environ 50 millions de personnes. Mais il existe un certain nombre de faits importants sur la grippe de 1918 qui ne sont pas largement connus. La grippe de 1918 n'a pas été causée par un virus. La grippe de 1918 n'était pas contagieuse et ne s'est pas propagée par contact direct d'homme à homme. La grippe de 1918 a commencé sur les bases militaires américaines où les soldats étaient formés à la télégraphie sans fil. Il s'est propagé dans le monde entier sur 10 000 navires de la marine américaine équipés de stations sans fil ultramodernes. Il est devenu beaucoup plus meurtrier en septembre 1918 lorsque la première station de radio vocale 24 heures sur 24, suffisamment puissante pour être reçue par la plupart des régions du monde, a été diffusée au Nouveau-Brunswick, dans le New Jersey, au service de l'effort de guerre américain, lançant l'ère moderne de la communication radio. Les efforts des médecins travaillant pour le U.S. Public Health Service pour prouver la nature contagieuse de la grippe de 1918 ont été héroïques et ont entraîné un échec retentissant et répété. En novembre et en décembre 1918 et en février et mars 1919, ils ont tenté d'infecter une centaine de volontaires sains avec la grippe avec des manières suivantes. Ils ont mis des sécrétions de la bouche, du nez et de la gorge et des bronches des patients grippaux hospitalisés dans le nez et la gorge et les yeux de volontaires. Ils ont injecté du sang de patients malades à des volontaires. Ils ont filtré le matériel muqueux des patients malades et l'ont injecté sous la peau de volontaires. Ils ont demandé à des volontaires de serrer la main de patients malades, de leur parler, les visages rapprochés pendant 5 minutes, puis de faire expirer le patient aussi fort qu'il pouvait pendant que le volontaire à 2 pouces de distance respirait, puis à tousser directement face au volontaire 5 fois. Aucun des volontaires dans aucune de ces expériences n'est tombé malade. Excusez. Des tentatives similaires d'infecter des chevaux sains avec des sécrétions de chevaux atteints de grippe ont entraîné le même échec retentissant. Ces expériences et d'autres faits sur la grippe de 1918 ainsi que sur la grippe en général sont examinés et documentés en détail dans les chapitres 7, 8 et 9 de mon livre « The Invisible Rainbow, A History of Electricity and Life ». AGB Press 2017, Chelsea Green 2020. Historiquement, la grippe était une maladie imprévisible qui a frappé sans avertissement et sans calendrier et a disparu aussi soudainement et mystérieusement qu'elle était arrivée pour ne plus être vue depuis des années ou des décennies. Il n'existait pas sur cette terre en tant que maladie annuelle avant le déploiement mondial de l'électricité AC pour les lumières et l'électricité qui s'est produite en 1889. De nombreux médecins qui ont été inondés de cas de grippe en 1889 n'avaient jamais vu de cas auparavant, mais depuis, la grippe n'a plus disparu nulle part sur la Terre. Ce qui est plus difficile à abandonner, c'est l'idée si profondément ancrée que notre société, qu'une maladie est même la bactérie ou un virus. Cette façon de voir le monde comme un combattant au lieu d'une communauté est fausse. Oui, il existe un virus respiratoire à la grippe. Non, le virus ne cause pas la maladie. La grippe est une maladie neurologique qui peut toucher presque tous les organes avec ou sans symptômes respiratoires et elle est causée par l'électricité. Surtout, maintenant, le monde a besoin de connaître ces choses. Une fois qu'il est entendu que la grippe de 1918 n'a pas été causée par un virus et n'a pas été propagé par contagion, mais plutôt a été causé par la propagation soudaine des communications radio à travers le monde, l'hystérie devrait disparaître et le monde peut revenir à la normale et vaquer à la tâche nécessaire de se débarrasser de la technologie sans fil. Les ondes radio ont rendu malades et tué plus d'humanité au cours du siècle dernier que toutes les bactéries et virus réunis. Aussi, les maladies cardiaques, le diabète, le cancer, chapitres 11, 12 et 13 dans mon livre « The Invisible Rainbow » sont principalement causées par la mer de rayonnement avec laquelle nos téléphones portables, nos tours, nos téléphones cellulaires, nos tours radio, nos stations radar, nos systèmes de sécurité, nos moniteurs pour bébés, nos ordinateurs sans fil et d'autres appareils et infrastructures sans fil ont inondé notre monde précieux et fragile. Le coronavirus et la 5G. On m'a demandé si je pense que la maladie des coronavirus est causée par la 5G. Ma réponse est « pas directement ». Mais les parallèles avec 1918 sont frappants. Rappelez-vous que la grippe de 1918 n'a pas été causée par un virus, mais par la prolifération de la technologie radio, au point de modifier l'environnement électromagnétique de la Terre elle-même. La première vague bénigne de la grippe durant l'hiver, le printemps et l'été 1918, a été causée par la prolifération de milliers de stations télégraphie sans fil, chacune ayant une portée géographique limitée et fonctionnant pendant un nombre limité d'heures par jour. La deuxième vague, qui a duré 3 années complètes, écœurant un tiers de l'humanité et tuant 10% de ceux et celles dont elle était malade, a été provoquée par une escalade de la radio à la télégraphie à la voix, à temps partiel et à temps plein et à courte portée sur la planète. C'est parallèle à ce qui se passe aujourd'hui. La 5G intensifie l'assaut radio sur notre planète et à un nouveau niveau. En utilisant des fréquences beaucoup plus élevées, une bande passante beaucoup plus grande et des niveaux de puissance beaucoup plus élevés, la première vague du coronavirus a accompagné une énorme prolifération de stations 5G au sol, chacune ayant une aire géographique limitée. Cela va passer de courte portée à l'ensemble de la planète et d'un assaut indirect à un assaut direct sur l'ionosphère lorsque des milliers de satellites 5G entreront en service cette année et l'an prochain. Un indice de nature électromagnétique de la pandémie actuelle provient d'une observation intéressante. Jusqu'à 2/3 des personnes testées positives pour le coronavirus ont perdu leur odorat. C'est souvent le seul symptôme et elles ne sont pas partout malades. Perte de l'odorat comme marqueur de l'infection au COVID-19. La perte de l'odorat est un signe classique de la maladie que l'on appelait le mal des ondes radio dans l'ancienne Union soviétique et qui est appelée sensibilité électrique aujourd'hui. C'est souvent le seul symptôme d'exposition aux ondes radio chez les individus par ailleurs en bonne santé. Investigation of the olfactory sensibility in persons subject to the influence of UHF de A. Lebonva et de Z.V. Gordon dans The Biological Action and Ultra High Frequency. Levitt and Gordon, Moscou, 1960. Un autre indice, ce est les effets fréquemment signalés de la maladie des coronavirus sur le système cardiovasculaire, y compris les arythmies, l'hypotension, la tachycardie, et une proportion élevée de maladies cardiovasculaires concomitante chez les personnes infectées. Cela a été rapporté le 6 mars 2020 dans Cardiology Magazine. Ce sont également les effets classiques de l'exposition aux ondes radio. Un troisième indice est la variation étonnante de la gravité de la pandémie actuelle, quelles que soient les mesures prises par le gouvernement pour empêcher les contacts interpersonnels. Pourquoi, par exemple, l'Italie compte-t-elle 74 000 cas de coronavirus et le Japon seulement 1200? 80% des cas identifiés au Japon n'ont pas transmis l'infection à personne d'autre. Tokyo, parmi les zones métropolitaines les plus densément peuplées du monde, avec une population de 38 millions d'habitants, n'a presque pas de maladie, ceci malgré une quarantaine nationale et une fermeture de la société en Italie, et peu de mesures prises contre la maladie au Japon. Il n'y a pas de quarantaine au Japon et les bars, restaurants et clubs sont occupés et animés. Les temples sont remplis et les parcs sont remplis de gens qui regardent les fleurs de cerisier. Les métros sont bondés et les gens vont travailler, mais la maladie ne se propage pas. La nature électrique de la maladie expliquerait cela aussi. C'est presque tout le Japon est volcanique et la conduite l'activité électrique de la Terre sous le Japon est plus élevée que sous la plupart de l'Italie. Les résidents du Japon sont donc mieux ancrés que les résidents de la majeure partie de l'Italie et sont moins affectés par les ondes radio qui les entourent. Les régions volcaniques de l'Italie, comme la Sicile et la Campanie, ont des taux de coronavirus beaucoup plus faibles que le reste de l'Italie. Patricia Ormsby, qui vit au Japon, m'a dit qu'il y a des années que lorsqu'elle était aux États-Unis, elle pouvait sentir un téléphone portable à une distance de 6 mètres, mais lorsqu'elle est au Japon, elle ne sent pas un téléphone portable jusqu'à ce qu'il entre à 3 mètres d'elle. Elle habite Santa Fe pour la même raison. Je ne sens pas toutes les tours de cellules ici parce que la conductivité sous terre de Santa Fe est si élevé. Quelle que soit l'origine de la gravité respiratoire appelée COVID-19, le déploiement de la 5G joue un rôle important dans la pandémie actuelle. La peur, l'isolement social et la fermeture de la société font beaucoup plus de dégâts au tissu de la vie que le coronavirus n'aurait jamais pu. Il est temps que la société, surmontée de son obsession pour le micro-organisme, se retourne vers l'urgence posée par la technologie sans fil sur Terre et dans l'espace. Plus de rapports d'insectes morts. Voici quelques-uns des rapports que j'ai reçus en réponse à mon dernier bulletin d'information, Les flammes du progrès, dans lequel j'ai documenté la famine mondiale d'insectes causée par le rayonnement micro-ondes et la famine qui en résulte pour les oiseaux, les chauves-souris et les grenouilles par manque d'insectes à manger. Alan Hardman écrit du Mexique. Je suis comme vous étonné par le silence. Je me souviens également avoir conduit dans la vallée centrale de la Californie du collège à la maison de mes parents dans les années 60 et m'être souvent arrêté pour gratter et nettoyer mon pare-brise. Ce problème est maintenant résolu. Tuer les insectes et les oiseaux qui les ont mangés. Andrea Mercer écrit du Colorado. J'ai déménagé au Minnesota en 2006 en été. Je voyais des chauves-souris voler dans les rues et des essaims d'insectes de nombreuses espèces dans des densités que je n'avais jamais vues en vivant en Oregon. Année après année, ils disparaissaient. Le Minnesota disait que c'était le syndrome du nez blanc qui blâmait cela et de la disparition des chauves-souris, mais c'était plus pour moi. Les chauves-souris n'avaient pas de nourriture et j'ai trouvé des libellules difformées qui ne pouvaient même pas voler au Minnesota. Rangaswamani, Ramskrihan, écrit de l'Inde. En Inde, nous avions des moineaux que nous appelions autrefois des moineaux indiens, avec des ailes brunes, et nous en voyions beaucoup qui faisaient de beaux petits bruits de toutes variétés, manquent maintenant dans nos villes. Il n'en reste que quelques-uns dans les villages, tout cela grâce à la 4G. Eva Goldhart écrit de Los Angeles, « Ça me tue de voir les abeilles mourir partout où je vais. Il y en a tellement sur les courts de tennis et au même endroit dans notre cour arrière. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je vois toujours des abeilles mortes au même endroit. Il est parfaitement logique qu'elles meurent de faim. Nous ramassons les abeilles, nous les amenons à l'intérieur. » Nous mettons quelques gouttes d'eau et de miel à côté d'elles et elles mangent, mais parfois elles sont capables de s'envoler. J'ai 50 ans et j'ai grandi en Pologne. Je me souviens d'un monde totalement différent. Grenouilles, crapauds, hérissons, tonnes d'insectes. Maintenant, je vis à Los Angeles et c'est une véritable horreur de voir les tours surgir partout. Tout se meurt lentement. Karen Estap écrit de l'Afrique du Sud. Je me souviens de ces jours où les pare-brises étaient maculés d'insectes. Ça n'arrive presque plus. Nous sommes comme les grenouilles dans le pot d'eau et nous ne remarquons même pas l'augmentation de la température. Sam Sanson écrit d'Écosse. J'ai 71 ans et je me souviens de la myriade d'oiseaux et d'insectes. Hier, j'ai trouvé une chauve-souris incapable de se percher. J'ai essayé de la placer dans un endroit sec et sûr, très inhabituel en hiver. Warren Friedman écrit de l'Afrique du Sud. Je blâme les CEM pour le déclin d'insectes depuis plus de 20 ans. Les oiseaux et les chauves-souris me manquent. Jeanne-Aimé Martin écrit de France. Je comprends pourquoi vous êtes si perplexe, parce que je le suis aussi. Nous sommes très préoccupés par la survie d'un si petit nombre d'abeilles, d'insectes, de chauves-souris dans notre jardin et dans la nature en général. Francisco Guerrera écrit de Belgique. Quand je pars en vacances dans la ville d'Espagne où je suis né, l'été dernier, tu entendais tout le temps des grillons dans les champs, et il y avait des papillons dans les champs. Tu entendais les oiseaux quand vous alliez aux champs, il y avait des abeilles partout. Aujourd'hui, rien de cela n'est présent. Antonia Olthuizen, écrit des Pays-Bas. J'habite à côté des bois. En mai 2016, quand je suis venue vivre ici, il y avait partout autant de grenouilles sur mon entrée, je pouvais à peine les éviter avec mon vélo. Il y en avait tant, mais au cours des deux dernières années, je serais peut-être heureux d'en voir un, peut-être deux. L'un s'est traîné jusqu'à ma porte, je lui ai parlé, je ne savais pas comment l'aider. La prochaine fois, je le prendrai et je l'amènerai dans les bois où moi-même je ne peux plus sentir le rayonnement, si cela pourrait l'aider. L'année dernière, j'ai également vu des bourdons tomber sur ma pelouse. Je les laisse ramper sur ma main. Quelle belle créature magnifique! Mais je ne pouvais les aider. Ils sont morts. Mon jardin est devenu un cimetière de bourdons. Plus tard, j'ai réalisé qu'ils mouraient exactement là où moi j'ai aussi souffert entre deux mâts cachés dans le clocher du village. Connie Drummond écrit du Royaume-Uni. Les insectes sont partis. Les petits oiseaux ne sont pas dans les arbres et nous ne retrouvons avec quelques crécelles et des milans noirs qui eux aussi meurent de faim et tournent dans le ciel désespérément à la recherche de verre comme des vautours. Patricia Ormsby écrit du Japon. La 5G a été activée fin février. Il y a 5 jours, j'ai remarqué que les milans noirs, le nom du Milan noir, c'est Milvus migrans, qui se perchait autour de notre champ de légumes, ont quitté notre champ lorsque des compteurs intelligents ont été installés et se sont déplacés vers des champs plus éloignés sans compteurs intelligents. On maintenant fuit ces champs. Le ciel est totalement vide, mais beaucoup, beaucoup d'oiseaux terrestres dans ces champs. Ce qui reste encore des milans noirs s'est déplacé vers les forêts. Chaque fois que je sors, j'ai vu un ou deux milans noirs tenter de survoler les champs puis abandonner. Angela Foulds écrit d'Australie. À Melbourne, des essais par onde millimétrique dans 25% de la ville viennent de commencer. Ce matin, lors de ma promenade avec un voisin, nous avons été mortifiés de voir des abeilles et des insectes morts sur le sol tout au long de notre heure de marche, jusqu'à un parc naturel et dans les rues de chez nous. Plus de satellites lancés. Le mercredi 18 mars, SpaceX a lancé 60 satellites supplémentaires depuis Cap Canaveral en Floride, portant à 350 le nombre de satellites Starlink et SpaceX en orbite autour de la Terre. Le 18 mars également, OneWeb a lancé 34 satellites supplémentaires depuis le cosmodrome de Baïkour au Kazakhstan, portant à 74 le nombre total de satellites de OneWeb en orbite autour de la Terre. Aucun de ces satellites n'est encore opérationnel, mais le 13 mars 2020, la Federal Communication Commission a autorisé SpaceX à vendre 2 millions d'appareils utilisateurs à des clients américains. Cela a transformé une préoccupation de longue date en urgence. Pour l'automne dernier, SpaceX a annoncé son intention de commencer à fournir un service 5G au nord des États-Unis, au sud du Canada, après avoir eu au moins 400 satellites en orbite autour de la Terre. La menace qui pèse sur la vie terrestre, du moins dans certaines parties de l'Amérique du Nord, devrait se produire dans quelques semaines. J'ai résumé la menace pour la vie que représente SpaceX dans des bulletins précédents, mais elle mérite d'être répétée ici. L'énergie pour la vie est fournie non seulement par la nourriture que nous mangeons et l'air que nous respirons, mais par l'électricité que nous absorbons de la terre et du ciel et qui circule à travers nos méridiens d'acupuncture, alimentant nos organes du jour de notre naissance jusqu'au jour de notre où nous mourrons. La source d'électricité qui nous soutient et circule à travers notre corps est la propre source de haute tension de la Terre, l'ionosphère. Si nous polluons cette source avec des millions de fréquences pulsées et modulées, nous détruirons toute la vie à la surface de la Terre, y compris les oiseaux dans le ciel, les poissons et les dans les océans. Et comme ils seront tous en orbite autour de l'ionosphère, c'est exactement ce que feront tous ces satellites. Les astronomes utilisent la circulation de l'énergie entre le Soleil et l'ionosphère. Les physiciens de l'atmosphère étudient le circuit électrique global entre l'ionosphère et la Terre. Les docteurs en médecine orientale étudient la circulation de l'énergie dans notre corps. Les géophysiciens étudient les effets de rayonnement des lignes électriques sur l'ionosphère. Mais personne ne regarde la situation dans son ensemble. Personne ne se demande ce que la pollution massive de cette source d'énergie aura sur la communauté de vie qu'elle nourrit. L'expérience d'Iridium, qui exploite maintenant 66 satellites, et de Global Star, qui exploite maintenant 48 satellites, nous indique que l'extinction de la vie ne sera pas progressive. Si des milliers de satellites sont allumés en même temps, cela sera soudain et dévastateur. Arthur Frintzberg. Mon prochain article. Coronavirus syndrome, le syndrome d'armes biologiques génocidaires. Comment éviter le plus de virus? Ce que vous deviez savoir pour survivre le plus longtemps possible. Le processus pathologique provoqué par le COVID-19 est mieux décrit par le nouveau nom de maladie suivant. COVID-5G Chemtrail Syndrome. Note de l'éditeur. Partout où le terme de syndrome de coronavirus apparaît dans le résumé ci-dessous, il est utilisé comme une version abrégée du syndrome d'hypertoxicité COVID-5G résumé analytique. Le syndrome de coronavirus n'est pas seulement un simple virus nommé COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé, c'est en fait un processus de micro-organismes pathogènes et de maladies beaucoup plus complexes que les autorités médicales ne le savent. Plus important encore, ce sont l'étiologie biologique et la causalité environnementale qui doivent être correctement compris si le syndrome de coronavirus doit être traité avec succès. Il y a trois éléments principaux du syndrome. L'hypertoxicité COVID-5G, comme indique le nom de la maladie. Premièrement, le micro-organisme pathogène qui a été intentionnellement armé dans un laboratoire américain comme une arme biologique ciblée sur un pool de gènes appelé COVID-19 et a été conçu pour muter, pour échapper au diagnostic approprié et pour se transformer de manière symptomatique pour échapper à un traitement efficace. Deuxièmement, il y a l'impact écrasant de la 5G, de la 4G, de la 3G et autres gammes de signaux de fréquence électromagnétique et de transmission de micro-ondes sur les individus vulnérables en ce qui concerne le déclenchement du COVID-19. C'est ainsi que le maintien et ou l'intensification du processus de la maladie. Troisièmement, il existe un régime mondial de géo-ingénierie chimique qui pulvérise des chemtrails ainsi qu'un programme de super-vaccination qui contribue considérablement à l'hypertoxicité de chaque individu qui contracte le COVID-19, dont la gravité est déterminée par leur charge toxique corporelle totale. Il existe plusieurs facteurs de risque tels que les antécédents médicaux, l'état de santé général, les affections médicales, les conditions de santé, l'âge et le régime alimentaire impliqués dans le développement du syndrome du coronavirus. Cependant, chacun de ces facteurs de risque potentiellement importants et spécifiques aux patients ne sera pas abordé dans un résumé à l'exception des conditions de santé sous-jacentes et des affections médicales courantes. Autorité italienne, 99% des décès du coronavirus ont eu d'autres maladies et conditions sous-jacentes. Après les trois principales causes, les facteurs de risque les plus importants concernant les affections médicales courantes, de la complication et des conditions de santé du patient COVID-19. Toutes les preuves montrent que les patients atteints de coronavirus sont atteints de certaines maladies et conditions avant de contacter le COVID-19 avaient un taux d'infection et de mortalité beaucoup plus élevé. La 5G et l'Internet des objets. Les trois plus grands clusters de syndrome de coronavirus sur chaque continent étaient situés dans trois grandes villes qui avaient déjà connu ce qui était essentiellement un déploiement militaire d'un réseau électrique 5G comme suit. C'est également la raison pour laquelle les trois plus graves épidémies de coronavirus sur les trois continents, Asie, Europe et Amérique du Nord, se sont produites dans les principales régions métropolitaines qui avaient subi des déploiements avancés de la 5G. Wuhan en Chine, Milan en Sicile, Seattle à Washington. Chacune des trois zones de démonstration 5G a produit les taux d'infection et de mortalité de COVID-19 les plus élevés au monde aujourd'hui. La source, les épidémies de coronavirus les plus mortelles et les déploiements intensifs de la 5G sont corrélés de manière concluante. Il n'existe aucun doute que la corrélation directe entre le déploiement intensif de la 5G et l'incidence des syndromes des coronavirus. Toute la science a prouvé que les énergies extrêmement puissantes et nocives associées à un système 5G pleinement opérationnel affaiblissent considérablement le système immunitaire. Par conséquent, les personnes vivant dans des zones de démonstration 5G seront toutes inévitablement plus vulnérables à toutes ces influences saisonnières, en particulier au COVID-19 hautement virulent. Bon, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie tout le monde de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et bonne journée.